Bâtiments publics qui sont libres, occupons-les. Forçons ici les politiques publiques à prendre en charge celles et ceux qui sont à la rue. Et si jamais elles ne le font pas, on va faire des réquisitions, on va occuper des lieux pour faire en sorte qu'il n'y ait plus personne à la rue. On vous propose de s'arrêter ici parce qu'en fait, on pense effectivement nécessaire face à la situation de ne pas rester les bras croisés et de ne pas attendre aussi que les pouvoirs publics s'en mêlent, parce qu'en fait on peut attendre longtemps. On a tous et toutes conscience qu'il y a des tonnes de bâtiments vides ici, à Nantes, en France, partout. Il y a des collectifs en fait qui essaient de mettre en place des hébergements solidaires. Il y a des solutions qui existent mais qui ne sont pas pérennes. Et en fait on ne peut pas attendre. Et nous, on a décidé de s'organiser. Des collectifs, des associations, ce que vous voulez, mais aussi les étudiants et étudiantes, parce que nous aussi ça nous concerne. Et on trouve urgent, en fait, de s'y mettre, d'y aller. Et c'est pour ça qu'on vous propose dans les universités, c'est ce qu'on a appelé les universités. Parce qu'en fait, c'est rigolo parce que la ville de Nantes, elle met beaucoup de choses en place. Elle fait là actuellement une exposition Regard de migrants, mais qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Ce qui se passe, c'est qu'on traque, on expulse, on surveille. Voilà ce qui se passe. Et en fait, ça ne peut plus se passer comme ça. Il faut qu'on ait des droits pour toutes et toutes. Et voilà, aujourd'hui, on va aller dans ce que là que vous voyez. On va rentrer dedans et on va l'occuper, on va y aller. Donc là, on est devant les Beaux-Arts, l'école des Beaux-Arts qui était occupée samedi et qui a été brutalement expulsée dimanche. Alors que les élus étaient venus le samedi et avaient l'air d'exclure une expulsion imminente, quoi. Donc je lis là le communiqué d'expulsion affiché sur la porte des Beaux-Arts. Nous, étudiants nantais, exilés et personnes solidaires réunis au sein des universités, avons réquisitionné samedi après-midi l'ancienne école des Beaux-Arts afin que les jeunes exilés ne passent pas l'hiver dans la rue. Nous sommes entrés sans effraction et y avons trouvé chauffage, eau courante et même des logements de fonction en parfait état, contrairement aux déclarations de la municipalité. Nous avions pour volonté d'ouvrir le dialogue avec la municipalité. On ne nous en aura pas donné l'occasion. La police nous en a expulsés sans sommation le dimanche midi à la veille de la Journée mondiale des droits de l'enfant. L'intervention a été violente, provoquant une crise de tétanie chez un des jeunes exilés présents dans le lieu. Un autre s'est cassé les deux pieds en tentant de sortir pendant que les forces de l'ordre quadrillaient la zone. Devant le bâtiment, une militante a eu le crâne ouvert par un coup de matraque et une autre a été interpellée. Pendant ce temps, une trentaine de personnes étaient nassées pendant 2 heures dans la cour de l'école. Ce sont actuellement au moins une soixantaine d'exilés mineurs qui dorment à la rue alors que l'hiver arrive. On nous expulse, nous recommencerons. Ils espèrent trouver une solution, faire autre chose. Donc il y aura une suite à ça. Enfin, il faut l'espérer en tout cas. Depuis le mercredi 15 novembre, des mineurs isolés étrangers occupent le rez-de-chaussée du bâtiment sensible de l'université de Nantes. Depuis dimanche 26 novembre, ils et elles ont également décidé d'occuper le château du Tertre. Situation d'université où il y a des étudiants qui sont en situation de fragilité aussi, et je me dois d'assurer les missions pour lesquelles j'ai la responsabilité. Se préparer, préparer son avenir, passer des examens. Je n'oublie pas les autres étudiants. Je suis très clair, il faut quitter le château immédiatement. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai quelque chose à vous poser. tous ces moines blancs que vous voyez ici, ils sont venus à cause de nous. Si vous voyez ici, tout ce terrain-là, c'est occupé avec Sato. C'est à cause de nous. Nous, les mineurs, qui dorment dans la rue. L'autre côté, on a un ami, son pied a été cassé. On a eu des coups de matraque. Au Beaux-Arts. Au Beaux-Arts, on a eu le coup de matraque. On nous a dit d'aller chez nous. Ça les faisait mal. On nous a interdit d'aller à l'école. Moi, qui te parle là, je voulais être comme toi. D'être un grand professeur, d'être un grand dirigeant, d'être honnête comme toi. Mais on m'a empêché de ça. Toi-même, tu t'es déplacé de venir dire tout de suite là, j'ai entendu de quitter au château. Ça me fait mal. Tu dois nous éduquer. Nous sommes vos enfants. Maintenant, vous voulez en aller où maintenant? Parce que toi, tu dors bien, tu te couches bien, tu te réveilles bien. Le matin, tu pars à l'école. Vous voulez, on part où? Bah, je comprends ce que vous me dites, mais je répète ce que j'ai dit depuis le début. Malgré des volontés affirmées de notre part de maintenir le dialogue, la présidence le rompt aujourd'hui en nous sommant de quitter les lieux sur le champ. Face à notre argumentation qui a des tons d'évidence, tant il s'agit d'humanité élémentaire. Monsieur Bernoussi nous répète, il faut partir immédiatement. Les réponses des cabinets nous ont rencontrés hier et transmis d'inquiètes préoccupations concernant notre bien-être. La dernière fois que nous avons entendu cela, c'était par Johanna Roland, pour rencontrer la brutale intervention armée qui a privé les jeunes du refuge qu'offrait l'école désaffectée des Beaux-Arts, faisant au passage 4 blessés. Ils n'ont pas l'intention de céder, ils l'ont répété ce lundi matin devant le juge des référés. Les membres du comité de soutien aux jeunes migrants refusent d'évacuer le château du Tertre, ce bâtiment de l'université de Nantes, occupé depuis une semaine. Un bâtiment dangereux selon la présidence de l'université, qui prévoit des travaux de réhabilitation dans les tout prochains jours, d'où cette procédure en urgence. Encore il y a quelques semaines, il y avait des chercheurs qui, sans aucune difficulté, occuper ces locaux, travailler dans la journée. Donc pour ces chercheurs, il n'y avait pas d'urgence à faire des travaux. En revanche, pour les mineurs non accompagnés, comme par hasard, il y a une nécessité absolue de faire des travaux. Fermeté pour le château, mais tolérance pour le bâtiment de la Sensive, disait le président de l'université vendredi dernier, en affirmant qu'il ne demanderait pas l'évacuation de ces salles de cours qui sont également occupées. Mais le dialogue est de plus en plus difficile et le collectif se méfie. Aujourd'hui, on voit que l'université joue sur un double discours. Devant les organisations, devant les concernés, tout est calme, pas de problème, le bâtiment Sensive ne sera jamais expulsé. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec une convocation au tribunal qui remet tout en cause et qui nous demande très clairement et qui pourrait se solder par une expulsion. Selon le collectif, ces deux occupations à l'université servent d'hébergement pour une cinquantaine de personnes. Le tribunal administratif rendra sa décision ce mardi. Je tremble parce que ce que je vois, les autres ne voient pas ça. On est au fait coincé dans cette situation. Mais j'ai l'impression que l'État français pense que nous sommes des animaux, qu'on n'arrive pas à réfléchir très bien. Et que, voilà, nous sommes les moins que rien, quoi. Et on arrive à réfléchir et voir réellement ce qui se passe en face de nous. Vu ce que le tribunal administratif, nous sommes allés en nombre pour un jugement qui était censé être clair devant tout le monde, qui a été suspendu parce que là, la décision était déjà prise, au fait, quoi. Il n'y avait pas de jugement, c'était juste suivre les protocoles, mais la décision était déjà prise, quoi. Donc, du coup, on pouvait pas nous donner le résultat vu que ça tournait pas en notre faveur et voilà qu'il y avait plein de yeux là braqués sur eux, que ça pouvait leur faire mal de voir des larmes couler. Mais ce qu'ils ne constatent pas, c'est que déjà les larmes coulent au fond de nous. Et du coup, on nous a informé l'expulsion immédiate du château. Moi, je pense que c'est pas bien ce qu'ils nous font. Ils veulent qu'on se retrouve à la rue. L'étude du comité. Nous poussons un cri de cœur, un cri de détresse. Nous avons besoin de soutien car nous en avons marre de la situation. Personne n'a choisi la situation que nous vivons actuellement. Cela peut pourtant arriver à tout le monde. Nous avons peur que le tribunal nous annonce une expulsion qui nous blesserait dans nos cœurs et dans nos corps. Ce serait un coup dur pour nous, un retour à la case départ, un retour dans la même urgence. Nous avons déjà vécu beaucoup d'obstacles. Certains d'entre nous sont malades, désorientés, ont même été blessés lors de la dernière expulsion à l'ancienne école des Beaux-Arts le dimanche 19 novembre. Si on était expulsé, ce serait comme une catastrophe nucléaire. On ne saurait plus où aller. On perdrait tout espoir. On pourrait même penser à mettre fin à nos vies. Nous avons besoin de votre aide, d'être mis à l'abri, d'être accompagné. Ce qui est important pour nous est d'avoir des repères, des racines, pour pouvoir espérer une meilleure vie de nouveaux départs. L'occupation des salles du bâtiment sensible et du château du Tête nous ont permis d'avoir un toit, d'être au chaud. Nous avons pu avoir des cours d'alphabétisation, de maths, d'espagnol, d'anglais et une intégration plus facile qu'à la rue. Chacun, chacune a un rôle à jouer face à la situation actuelle. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent et veulent encore nous soutenir du cri de désespoir des mineurs isolés à la rue. Le tribunal administratif a rendu sa décision aujourd'hui. Le tribunal administratif donne l'autorisation au président d'ordonner l'expulsion immédiate. Nous appelons donc toute personne à venir sur le campus dès que possible. On peut supposer que les autorités, universitaires ou autres, comme la préfecture, préféreront ne pas expulser dans la journée, dans la mesure où des millions d'étudiants et d'étudiantes seraient présents dans les lieux et autour pour soutenir les occupants et occupantes. Il y a donc un enjeu essentiel à ce que les lieux soient massivement occupés dans la soirée et dans la nuit. À noter qu'il est aussi possible que malgré une telle décision, la présidence n'appelle pas immédiatement les forces du désordre. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire, avec cette possibilité d'expulsabilité immédiate annoncée, de venir toutes et tous sur les lieux pour le faire vivre encore et toujours. À l'aube d'une expulsion et au lendemain d'une attaque fasciste, nous appelons à un élan de solidarité urgent et massif. Les attaques de la justice et des fascistes résonnent ensemble. Des personnes immigrées sans papier ayant parcouru la Méditerranée en quête d'un accueil humain en Europe ne sont et ne seront jamais les bienvenus. Dans quelle mesure expulser par la force une cinquantaine de mineurs isolés sans proposition sérieuse, viable et immédiate de relogement les protégerait mieux du soi-disant danger qui court pour leur sécurité dans les bâtiments occupés? Si une bande organisée ose venir nous frapper dans les lieux que nous occupons et qu'une entreprise de sécurité privée est chargée de surveiller, est-il crédible un instant de croire que la remise à la rue sera réellement moins dangereuse? Ce qui se construit ici est formidable. Les rencontres et l'espace de partage, d'apprentissage que nous avons créé ne sont pas descriptibles. Cela ne peut être que vécu. Cette solidarité du quotidien est importante à défendre, car c'est elle qui nous permet d'affronter l'inhumanité des pouvoirs publics. Je suis Fabrice David, secrétaire général de l'UDCGT 44. On soutient ce mouvement fortement et on va le soutenir pour que, notamment, ce lieu ne soit pas évacué. Filière étudiant, la FSU, Sud-Éduc et l'UNEF. Nous nous opposons fermement au recours à la force et nous souhaitons, comme l'écrit le président, que dans le cadre de ses missions, l'université puisse apporter des réponses concrètes à ces jeunes migrants. C'est pourquoi nous demandons à la présidence de sursoir à toute évacuation et d'ouvrir des discussions et négociations avec le collectif, mais aussi avec les collectivités locales et l'État, afin que notre service public d'enseignement et de recherche s'inscrive dans des valeurs d'humanité et de justice qui nous sont chères. Et afin qu'une solution d'accueil digne et durable soit trouvée pour ces mineurs isolés, qui sont des victimes et non des coupables. L'intersyndicale appelle à l'Assemblée Générale de demain, qui aura lieu à 18h30, et appelle également les étudiants, enseignants et personnels à arrêter le travail en cas d'expulsion, car on étudie et on n'enseigne pas sur un campus où les flics interviennent pour expulser des mineurs étrangers. C'est une question de principe. Face à la violence qui nous menace, chacun, chacune est invité à se tenir en alerte. Nous vous invitons à consulter régulièrement nos pages et sites de lutte. Université de Nantes en lutte, la lutte des exilés à Nantes, Nantes révoltée, Indie Media Nantes, et vos boîtes mail et vos téléphones, et tout ce que vous pouvez pour faire pour vous tenir au courant. Qu'on rappelle encore les rendez-vous, demain il y a une grosse AG de lutte à 18h30 dans le château, si on a toujours le château, et une manifestation samedi. Du coup, c'est aussi important de pouvoir mobiliser dans tous vos réseaux associatifs, syndicaux, les gens que vous connaissez, pour cette manifestation samedi, parce que ça fait à peu près 2 semaines qu'on est enfermés ici sur la faculté. Où il se vit plein de choses, mais on est quand même un peu à l'écart du centre. Et du coup, revenir dans le centre avec une énorme manifestation, on espère, ça sera aussi profitable. Il y a 10 millions d'années, quelques créatures se sont mis debout. Ces mammifères étaient en danger. Ils avaient peu de chances de survivre. Alors, ils se sont adaptés. Ils se sont défendus. Ils ont inventé. Ils ont marché. Ils ont parcouru la terre et les océans. Ils ont exploré et conquis le monde. Nous sommes leurs enfants. Que notre peau soit blanche, noire ou cuivrée, nous descendons tous d'une seule et même famille. 10 millions d'années, c'est 500 000 générations. Insalablement, nos aïeux ont transmis leur savoir à leurs enfants jusqu'à ce qu'ils arrivent en nous. Aujourd'hui, ces savoirs nous permettent de monter jusqu'à eux et de trouver leurs traces. Sauf si on refuse de les remettre, bien sûr. Les hommes sont différenciés selon le climat et le lieu. Quand nos ancêtres sont arrivés en Europe, l'hiver les a créés des difficultés. Alors, il fallait quitter le lieu. Mais il y a une seule personne qui va rester et fonder une famille. Il s'appelle Néandertal. C'est lui à l'origine qui a fondé le continent européen. Et savez-vous quoi? Ses parents viennent d'Afrique. Ce qui veut dire que tout a commencé en Afrique noire. C'est grâce à leur savoir que l'humanité est aussi en avance aujourd'hui. Alors, comment peut-on garder ce savoir? Pour répondre, je dirais d'aller à l'école, pas en tant que visiteur, mais membre de l'école. Et comment peut-on aller à l'école si à ton retour, tu sais que tu n'auras pas où dormir ou manger? Pour répondre encore, je dirais qu'il faut qu'il y ait une assistance permanente et efficace de l'État. Et si l'État est incapable, mais qu'il fait en sorte que ceux qui nous aident soient respectés, considérés par tous et toutes. Je parle encore de ces gladiateurs et fascistes corrompus jusqu'au dernier de leur déclin. En ce moment, j'ai honte de moi-même, parce que je ne peux pas penser qu'après tout ce que nous avons subi à cause de vous, qu'on serait là encore aujourd'hui à implorer votre aide et pardon. Avant, on était attachés par la main. Et aujourd'hui, attachés dans nos esprits. Donc l'idée en fait c'est d'aller à la préfecture et de récupérer les camarades en fait qui luttaient pour des droits similaires à ceux qu'on aimerait bien défendre et visibiliser en étant dans la rue aujourd'hui. On voulait aussi donc, vous l'avez compris, aller au tribunal administratif qui a donné l'autorisation au président de l'université d'ordonner une expulsion immédiate. Et notre troisième intention c'était notamment d'aller à la présidence, et vous voyez bien qu'il y a un sacré dispositif policier qui nous empêche de faire notre vie comme d'habitude. Cette même police, ben en fait, qui assassine, qui matraque aux frontières, partout dans la rue. Ouais, c'est à vous qu'on parle, là. J'avais oublié qu'on voulait aussi passer rue de Strasbourg, parce que c'est là où il y a la mairie, cette même mairie socialiste qui a ordonné l'expulsion des Beaux-Arts, ce qui est quand même incroyable. On trouvait important de revenir sur ce qui se passe dans d'autres villes, à Grenoble, à Lyon, à Marseille, à Clermont-Ferrand, à Lille, etc. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à Marseille. Il y a eu le squat d'une église en novembre pour des mineurs isolés encore. Ils étaient 65. Ils ont réussi à obtenir l'ouverture d'un lieu ouvert 24 heures sur 24 avec 3 repas par jour et possiblement un accompagnement éducatif. À Clermont-Ferrand, il y a eu un campement sur la fac en octobre avec un relogement proposé d'une centaine de personnes, toutes personnes confondues, donc c'est-à-dire toutes les personnes qui vivent à la rue, enfin mineurs isolés ou pas en fait. À Lyon, il y a l'occupation d'un amphi depuis 3 semaines, plus de 3 salles de cours, avec des fonctionnements autogestionnaires comme on essaie de mettre en place à la fac, avec un soutien des profs qui mettent la pression sur la présidence. Il n'y a pas très longtemps, il y avait une menace d'expulsion sur ce qui se passait à Lyon et ça a été levé et déplacé au 19 décembre, ce qui est court comme limite. Et la préfecture, merci la préfecture, avait proposé un gymnase avec 10 places, ce qui est quand même aberrant vu la situation qui est relativement urgente et vu le fait qu'en fait, il y ait beaucoup plus que 10 personnes à la rue. À Grenoble, ils occupaient le 4 décembre pour les demandeurs et les demandeuses d'asile aussi un espace avec des revendications proches des nôtres. Et en tout cas, ce qui est certain, en fait, on va pas épiloguer là-dessus, c'est qu'en fait, il se passe des choses. Les gens se réveillent, sauf les flics qui continuent à nous emmerder. Enfin, les gens se réveillent, certaines mairies se réveillent, il y a encore du boulot, du coup c'est chouette qu'on soit tous et toutes là dans la rue. Et ce qu'on aimerait aussi faire passer comme message, c'est que pour le moment on est encore dans une situation de précarité. Enfin, en tout cas, ce qui se passe au niveau du château, à la fac et au niveau de Saint-Cives. Et on vous invite tous et toutes à venir nous soutenir pour 1 heure, 2 heures, 3 heures. Enfin, venir avec nous, filer un coup de main, se rencontrer, etc. C'est un espace ouvert à tous et à toutes. Et en fait, c'est important en fait qu'il y ait du monde qui transite par là et aussi parce que c'est pas simple l'autogestion et c'est pas simple de vivre ensemble et c'est cool s'il y a d'autres mondes qui viennent quoi. Et on dit ça à la fois pour la vie quotidienne mais à la fois en cas d'expulsion. Du coup, c'est cool si vous arrivez à avoir de la réactivité au cas en fait on se fasse dégager et comment on arrive rapidement à leur dire qu'en fait on est beaucoup aujourd'hui mais on sera beaucoup demain s'il y a expulse et on sera beaucoup s'il y a une ouverture encore et encore encore et on sera toujours là quoi. Voilà. Sans solidarité avec les sans-papiers. Sans solidarité avec les sans-papiers. Sans solidarité avec les sans-papiers. Nous sommes tous les enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants d'immigrés. On reviendra.